Je préfère souffrir de la vérité qu'être heureux dans les mensonges qui parlent pas d'humanité. Ferme les yeux devant les tensions pour les frères en détention. Charbon envoie des mandats. Je rappe pour ma génération, pour tous les gens infréquentables. Je remets les pendules à l'heure car le temps passe vite de fou. Y'a pas que les somnambules qui ont des histoires à dormir debout. T'as voulu niquer mes proches, tu vas voir petit fils de chien. T'étais en retard dans ce monde, tu seras en avance dans le prochain. Ici c'est 816, on essaie de vivre en paix. On a compris que pour faire du fric il faut prendre soin de la clientèle. On voulait pas me laisser rentrer alors j'ai enfoncé des portes. Je me sens comme un mec de Baltimore qui arrive à Washington. Dans la jungle on s'emprisonne, l'habitude faire du placard. En apparence moi je vais bien, moralité frère tout va mal. Tout ce que je touche part en fumée, à croire que je suis devenu pyromane. Quand je regarde la télé j'y vois que des sacrés mythomanes. Old school 808 tout trappant les éclats. J'attends pas qu'ils valident, je sais qu'on les ébatte. On a fait nos preuves, on n'a pas crié les étapes. Viré de l'école, on finit dans les livres d'histoire, ça les ébatte. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Viré de l'école, on finit dans les livres d'histoire, ça les ébatte. Old school 808 tout trappant les éclats. J'attends pas qu'ils valident, je sais qu'on les ébatte. On a fait nos preuves, on n'a pas crié les étapes. Viré de l'école, on finit dans les livres d'histoire, ça les ébatte. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Viré de l'école, on finit dans les livres d'histoire, ça les ébatte. Peut-être que si j'avais eu besoin d'eux, je les aurais sollicités. D'instinct c'est mon place, tu seras pas seul à le citer. La rue, le béton, la cité, toute une complexité. Ramène ton compète, c'était bon, le fait, j'serais tout excité. J'suis pas vénère que sur le morceau, j't'attaque à la gorge comme un canne écorce. On protège tes torsos, on fait la place du boss. Tu voudrais t'asseoir à notre table, si t'as fauté, j'te regrette pas. Car regretter c'est regrettable quand t'as dormi dehors, si t'es mineur. Le reste c'est du gâteau, si t'es un bon, tu marches avec nous. Sinon tu sautes du bateau. Si tu nous reçois avec loi, mets-nous de ration. Si tu veux détruire du collabo, on fera collaboration. On a tout fait tout seul jusqu'ici, on est fiers. Et si un jour un jaloux veut nous faire, les frères iront se les faire. Un coup de fil et ce qui dépasse, c'est pas des pistolets à air. Armés de soldats qui couvrent mes arrières. Old school 808 tout trappant les éclats. J'attends pas qu'ils valident, je sais qu'on les ébatte. On a fait nos preuves, on n'a pas crié les étapes. Viré de l'école, on finit dans les livres d'histoire, ça les ébatte. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Viré de l'école, on finit dans les livres d'histoire, ça les ébatte. Old school 808 tout trappant les éclats. J'attends pas qu'ils valident, je sais qu'on les ébatte. On a fait nos preuves, on n'a pas crié les étapes. Viré de l'école, on finit dans les livres d'histoire, ça les ébatte. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Fais-nous un pogo si toi aussi t'es capable. Viré de l'école, on finit dans les livres d'histoire, ça les ébatte.